France Inter, franceinter.com. Ce pourrait être une classique histoire d'espionnage, une intrigue à la John le Carré du temps où les espions venaient du froid. Oui, mais voilà, l'affaire dont m'a entretenu M. X cette semaine est d'une actualité brûlante et prouve que malgré la chute du mur de Berlin, l'Est et l'Ouest se livrent une lutte qui n'est pas moins vive qu'au bon temps de la guerre froide. Et c'est particulièrement vrai dans les anciennes républiques autrefois soumises à Moscou. C'est ainsi qu'on a appris, il y a peu de temps, l'arrestation d'un espion estonien, Herman Simm, qui trahissait son pays et l'OTAN au profit d'un service russe, le SVR, l'un des avatars de feu le KGB. Une affaire jugée cruciale par les autorités de Tallinn, mais aussi par les dirigeants de l'Alliance Atlantique, tant il semble avéré que Simm ait causé de considérables dégâts. Monsieur X a donc choisi d'ouvrir ce dossier très sensible où l'on va aller de surprise en surprise. Car en marge de cette affaire d'espionnage, qui ne serait que la partie émergée de l'iceberg, on découvre la formidable guerre du gaz qui est d'une criante actualité et concerne tout le continent européen. Mais aussi ce que l'on a appelé le cyberterrorisme et même le mystérieux naufrage d'un ferry suédois en mer Baltique, qui a provoqué la mort en 1994 de 852 personnes. Disons-le tout de suite, la récente découverte de la trahison d'Herman Simm a provoqué un véritable choc en Estonie. Essentiellement pour quelle raison ? Parce que les Estoniens ont ressenti cela comme une humiliation. Bon, je vous explique. Ce pays balte n'a rejoint l'OTAN qu'en 2002. Non sans avoir rencontré des difficultés et même subi des menaces. Mais ça, nous en reparlerons. Mmh. Et seulement 6 ans plus tard, l'un de ces citoyens qui était justement chargé des liaisons entre le pays et l'Alliance Atlantique se révèle être un espion au service des Russes. Bon, il y a là des raisons de se sentir mal. Ouais, ouais, ouais. D'autant plus que le traître n'est pas un russophone, mais un estonien de souche, hein, un comble. Ouais, tout dépend de la valeur des renseignements transmis par cette taupe. Hein. Bon, vous avez parfaitement raison. Et là encore, bon, ça je vous le promets, nous verrons cela dans le détail. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord accomplir un détour par le douloureux passé de ce petit pays balte. Petit, en superficie. Oui, oui, l'Estonie ne couvre que 45 000 km². À titre de comparaison, c'est la superficie de la région Midi-Pyrénées. Et la population y est deux fois moins dense, à peu près 1 300 000 habitants. Autre point que vous devez savoir, on y parle une langue dite finno-ougrienne, c'est-à-dire proche de la langue parlée en Finlande. À la différence de la Lituanie et de la Lettonie, où l'on s'exprime en balte. Et c'est important. Parce qu'en Estonie, la langue est un élément essentiel de l'identité du pays. Oui, mais il y a aussi des habitants là-bas, des russophones. Ah, c'est exact. Et ils représentent un tiers de la population estonienne. Ah oui, c'est beaucoup ça. Et cette présence n'est pas sans poser de nombreux problèmes, mais on y reviendra. Alors l'histoire, elle est pour le moins chaotique. Sans remonter trop loin, il vous faut savoir qu'après une invasion danoise, ce sont les fameux chevaliers teutoniques qui se rendent maîtres du pays et le christianisent entre le XIVe et le XVIe siècle. En même temps, le pays commerce avec la Ligue hanséatique. La Ligue des villes du nord de l'Europe. Hein. Ces baltes allemands, comme on les appelle, se convertissent donc au protestantisme. Suit une longue période de guerre où Suédois et Polonais s'affrontent au sujet de la conquête des pays baltes. Et c'est la Suède qui a le dernier mot. Hein. Pas pour très longtemps, car au XVIIIe siècle, c'est au tour des Russes de s'assurer de la mainmise de l'Estonie et de se pourvoir ainsi d'une fenêtre sur la mer Baltique. Et sous Pierre le Grand, le pays devient purement et simplement une province russe. Et alors, les Estoniens acceptent ? Pas vraiment. Et on observera même, ça et là, des manifestations épisodiques de nationalisme estonien. Ce qui poussera le tsar Alexandre III à entreprendre la russification autoritaire du pays. Une russification à la fois dirigée contre les Estoniens et contre les Baltes allemands, qui sont restés dans le pays. Mais la Première Guerre mondiale va naturellement conduire à rebattre les cartes. Ah, dans quel sens alors ? Les patriotes estoniens vont enfin pouvoir se faire entendre. Et leur réaction est à la fois dirigée contre les Russes et ces baltes allemands qui ont pris le parti du Reich. Et puis il y a la révolution de 1917 quand même. Ah, ce qui complique encore les choses. Car à la suite de la révolution russe, on voit naître une république soviétique d'Estonie. Mais ça provoque de vives réactions des baltes allemands qui appellent au secours l'armée du Reich. Et les Allemands interviennent effectivement ? Oui, ils occupent même Tallinn, la capitale. Cependant, cette invasion entraîne une lutte de libération soutenue par les Soviets. Et enfin, en 1919, pour la première fois de son histoire, l'Estonie accède à l'indépendance et adhère aussitôt à la nouvelle SDN. La Société des Nations ébauche de la future ONU. Hein. Cette première vie d'une Estonie indépendante n'est guère satisfaisante. Le régime est instable et bascule bientôt vers l'autoritarisme. C'était malheureusement une tendance qui se généralisait dans ces années-là. Hein. La suite, vous le devinez, n'est pas moins mouvementée. À la suite du pacte germano-soviétique et des accords signés entre Molotov et Ribbentrop... Oui, les ministres des Affaires étrangères du Troisième Reich et de l'URSS. Hein, oui. C'est ça. Donc à la suite de ces accords, l'armée rouge envahit les États baltes. Et 120 000 citoyens de ces trois pays sont déportés, fusillés, ou dans le meilleur des cas, enrôlés de force. Puis quand les nazis lancent leur attaque contre l'URSS, leurs armées déferlent sur les pays baltes. Et chassent les soviétiques. Il faut bien reconnaître qu'au moins dans un premier temps, les Allemands sont plutôt accueillis en libérateurs. Et pour ne parler que de l'Estonie, 70 000 hommes revêtent l'uniforme des soldats du Troisième Reich, affrontant l'armée rouge. Ils vont devoir aussi se battre contre leurs 30 000 compatriotes qui, eux, ont été recrutés dans les rangs soviétiques. Ouais, cruel cas de conscience. Les drames multiples, d'autant que dès l'automne 1944, c'est l'armée rouge qui revient en force et triomphe des forces nazies. Nouvelle occupation. Ça va durer presque un demi-siècle. Auparavant, il faut le signaler, la période allemande s'est aussi traduite par l'assassinat de la moitié des 4500 juifs qui habitaient l'Estonie. Mais il y avait beaucoup plus de juifs dans les autres États baltes. En Lituanie surtout, où il existait un important foyer culturel juif. Au total, les historiens estiment que 400 000 juifs baltes ont été victimes de la Shoah. C'est énorme. Oui, on ne peut naturellement pas exclure que des citoyens baltes, enrôlés ou pas par les Allemands, aient joué un rôle dans cet holocauste. D'autant, mais vous dites que les Estoniens ont d'abord considéré que les Allemands étaient leurs libérateurs. Et puis, il y avait tous ces baltes allemands. Enfin, passons. Même si je suis certain que ces épisodes ont laissé de profondes cicatrices. Quoi qu'il en soit, la période soviétique de l'histoire estonienne va aussi donner lieu à de nombreuses souffrances. Dès 1949, le Kremlin charge le ministère soviétique de l'Intérieur, le MGB, de procéder à des déportations massives. Qui est concerné là ? De larges franges de la population, des propriétaires terriens d'abord. Ah oui, ceux qu'on appelait les koulaks en URSS. Hein. Mais aussi des bandits ou prétendus tels. des nationalistes, des collaborateurs, des espions présumés. Et bien sûr, ces gens-là vont être déportés avec leurs familles. Ce qui représente en tout, là ? Bon, pour l'ensemble des pays baltes, quelques 200 000 personnes. Déportés donc au goulag, hein ? Et certaines d'entre elles, j'en ai rencontré en Lituanie, avaient déjà goûté auparavant au camp de concentration nazi. Et on comptera de nombreux morts parmi ces déportés. À cela s'ajoute le fait que Moscou mène parallèlement une véritable colonisation de peuplement. C'est-à-dire que des Russes sont invités à venir s'installer dans les pays baltes. Où les autorités soviétiques leur offrent des privilèges. Alors, on trouve parmi eux des militaires, des ouvriers, et bien entendu des communistes bien pensants, membres du parti. Cette colonisation, de fait, est même si importante qu'on a pu calculer que la proportion d'Estoniens de souche dans la population est passée de presque 90% à seulement 60%. Et une partie des difficultés de l'Estonie actuelle découle directement de cette volonté du Kremlin de russifier ce petit pays balte. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, forcément. Mais les déportations d'Estoniens de pure souche, là, correspondaient-elles aussi à ce même désir de russification ? En partie, oui. Mais il n'y avait pas que ça. Staline voulait avant tout faire comprendre aux Estoniens, comme il l'avait déjà pratiqué avec d'autres peuples, les Tatars et les Tchétchènes en particulier, que toute velléité nationaliste serait durement réprimée. Et cette tentation nationaliste, elle a existé en Estonie ? Bien sûr. Et c'est même allé très loin. C'est un épisode dont on a peu parlé en Occident, mais il a existé dans les trois pays baltes une résistance armée jusque dans les années 60. Et des centaines, peut-être même des milliers de soldats, de miliciens ou de collaborateurs du pouvoir sont tombés sous les balles de ces résistants anticommunistes. C'est même allé si loin que les autorités ont dû former de véritables commandos de chasse pour traquer ces combattants qui se faisaient appeler les compagnons de la forêt. Il y a eu aussi des parachutages organisés à l'initiative des services secrets anglo-saxons. C'est exact. Oui. Ces services avaient recruté des volontaires transfuges des différents pays tombés sous la coupe de Moscou. Mais comme vous devez le savoir, ces hommes ont pour la plupart été arrêtés et fusillés dès qu'ils ont touché leur sol national. Parce qu'ils avaient été trahis. En particulier par Kim Philby, qui occupait alors de hautes fonctions au sein des services secrets occidentaux. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, vous avez dit que cette résistance armée a duré jusque dans les années 60. C'est ça. Cependant, c'est remarquable, malgré les déportations, malgré la répression, l'Estonie, sous le joug soviétique, va plutôt bien tirer son épingle du jeu. Beaucoup mieux que d'autres démocraties populaires. Rendez-vous avec X. Monsieur X l'a dit, pour vaincre la résistance estonienne, Moscou a formé de véritables bataillons de chasse. Il y avait en effet urgence. De 1944 à 1953, 1823 attaques à main armée ont été perpétrées par des commandos nationalistes. Et d'après David Wolf et Gaël Moulek, auteurs d'un ouvrage intitulé Le KGB et les pays baltes, l'existence de cette guérilla imposa que les dirigeants et militants communistes soient protégés au moins jusqu'au début des années 50. Plus préoccupant encore pour Moscou, ses troupes spéciales ont parfois été infiltrées par les résistants. En témoigne cette note d'un commissaire du NKVD. Au cours de la dernière période, des faits de trahison et de défection au profit des bandes, ont été enregistrés de la part de soldats des bataillons de chasse. Ces faits ont pu se produire car ces bataillons ont été infectés par des individus douteux à cause de l'absence d'un réseau de contre-espionnage apte à mettre à jour les préparatifs conduisant à de telles défections au sein même de ces bataillons. La possibilité d'une infiltration des bandits au sein de ces bataillons de chasse pour y recueillir des informations sur les activités de nos organes de lutte contre le banditisme n'est pas à exclure. On ne doit pas exclure le fait que des membres des bataillons, lors d'opérations où ces bataillons se font passer pour une bande nationaliste, en profitent pour commettre des attaques à main armée contre la population. Le livre de Wolf et Moulek a été édité en 2005 par Belin. Vous affirmez donc que malgré l'occupation soviétique, l'Estonie s'en est plutôt bien sortie. C'est bien ça, hein ? C'est ça, oui. L'Estonie a en effet connu une relative prospérité et une croissance économique continue. Et à quoi c'est dû ? L'industrialisation et l'exploitation des ressources du sous-sol. En particulier, l'extraction des schistes bitumeux ont permis à ce petit pays de devenir l'un des plus performants au sein du glacis soviétique. Autre élément qui explique paradoxalement cette prospérité, la présence massive de contingents de l'armée rouge. Ah oui, parce que tous ces militaires consommaient. Exactement. À cela s'ajoutait la proximité de la Finlande qui permettait, grâce à la réception de la télévision finnoise, une ouverture intellectuelle plus grande que dans d'autres pays du bloc soviétique. Une fenêtre ouverte sur le monde occidental. Et c'est sans doute pour toutes ces raisons que l'Estonie a été l'un des premiers pays de l'Est à saisir toutes les opportunités offertes par la perestroïka mise en œuvre peu après l'accession au pouvoir de Gorbatchev. À partir de la moitié des années 80. Et ça va très vite. Dès 1987, on voit surgir ouvertement des revendications nationalistes. Le drapeau national estonien est par exemple hissé sur les bâtiments officiels de la capitale, Tallinn. Et en cela, l'Estonie est un pays pionnier au sein de l'URSS et des pays frères, comme on les appelait. Il y a quand même eu les précédents hongrois, tchécoslovaques et polonais. Hein. Certes, mais à chaque fois, ces tentatives avaient été écrasées avec une extrême brutalité. Alors justement, quand apparaissent ces premières manifestations nationalistes en Estonie ? Puis dans les deux autres pays baltes. Alors oui, comment réagit Moscou ? Eh bien officiellement, en tout cas, le Kremlin ne bronche pas. Mieux, on verra des proches de Moscou approuver ces nouvelles orientations. M'expliquer là. Bon, on assiste là aux conséquences directes de la lutte qui oppose les réformateurs type Gorbatchev aux vieux crocodiles du parti qui rêvent d'en revenir au règne de Brejnev. Ceux qui plus tard la fomenteront un putsch contre Gorbi. Les mêmes, oui. Ceux-là, non sans raison, pensent que l'ouverture conduira automatiquement à l'écroulement de l'Empire. Et je referme cette parenthèse. En Estonie, le mouvement avance à grande allure. En 1988, événement inouï en URSS, des nationalistes créent un parti indépendantiste. Et c'est la fin du parti unique. Et par réaction, les russophones estoniens s'organisent aussi. Oui, j'imagine qu'ils doivent être inquiets. Mais naturellement, d'autant que tout s'accélère. À la fin de cette même année 1988, le Soviet suprême d'Estonie proclame la souveraineté du pays. Et devant la passivité bienveillante ou non de Moscou, les indépendantistes vont encore plus loin. Au début 1989, le Parlement décrète que l'estonien sera désormais la langue officielle. À la place du russe, alors. Et aussitôt après, les nationalistes décident que seuls les Estoniens de souche, soit tous ceux qui étaient titulaires de la citoyenneté estonienne avant 1940. C'est-à-dire autant où le pays a été brièvement indépendant. Hein. C'est ça. Ouais, donc, d'accord. Tous ces gens-là et leurs familles sont invités à élire un nouveau Parlement, le Congrès d'Estonie. Alors, à la place du Soviet suprême local. Ou à côté, provisoirement en tout cas. C'est très important parce que de fait, les russophones sont exclus de ce scrutin. Et à cette date, alors, quelle proportion de la population représente-t-il ? À peu près 40%. Et ce congrès acquis forcément à la cause nationaliste décrète aussitôt la souveraineté de l'Estonie et le début d'une période de transition qui conduira vers l'indépendance effective du pays. Et donc sa sortie ipso facto de l'URSS. Il faut noter que tous ces événements se déroulent dans le plus grand calme, alors qu'il n'en sera pas de même en Lituanie, par exemple. Mais nous en parlons peut-être un jour prochain. Oui, volontiers. Quoi qu'il en soit, là, à ce stade, un retour en arrière semble improbable. Oui, les choses sont allées trop loin. Et en janvier 1991, lorsque Boris Eltsine, président de la Fédération de Russie, reconnaîtra la souveraineté de l'Estonie, il ne fera que s'incliner devant un fait accompli. Une pierre dans le jardin de Gorbatchev. Bien sûr. D'ailleurs, deux mois plus tard, un référendum interne consacrera l'indépendance. Et lorsqu'à l'issue du putsch raté de l'été 1991, Eltsine réussira enfin à débarquer son vieil ennemi, l'URSS placée sous son autorité reconnaîtra formellement l'indépendance du petit pays balte. Et dès le mois de septembre, l'Estonie deviendra un nouveau membre de l'ONU. Tout est donc allé très très vite. Et sans qu'une goutte de sang soit versée, c'est notable. Il faut donc penser que l'Estonie était bien préparée à opérer cette transition en douceur. Et ici, il faut souligner le rôle qu'ont joué les exilés estoniens. Des gens généralement installés aux États-Unis ou au Canada, qui ont suivi attentivement l'évolution politique de leur patrie d'origine et ont même parfois conseillé les nouveaux dirigeants du pays. Et d'ailleurs, beaucoup vont y revenir. Et parmi eux, des femmes et des hommes qui n'ont jamais mis les pieds en Estonie, mais qui vont assez rapidement s'intégrer et même accéder à de hautes fonctions ou à des postes de responsabilité dans le secteur économique. Ce mouvement a bien sûr été suivi de très près et encouragé à Washington, où on avait déjà à l'esprit la prochaine étape. Oui, c'est-à-dire ? Pour l'intégration de ces pays à l'OTAN. Un homme, un Américain, va même consacrer tout son temps et toutes ses forces à cette tâche. Qui alors ? Bruce Jackson, un républicain, un conservateur très proche de Paul Wolfowitz et de Richard Perle. Les néocons, comme on les a appelés. Et qui ont joué auprès de Bush Jr. le rôle que l'on sait, oui. En attendant, ce Jackson, pas très bien vu de l'équipe Clinton, fait des pieds et des mains pour que le maximum de pays issus de l'ex-empire soviétique adhèrent à l'Alliance Atlantique. Et parmi les premiers, les États baltes. Oui, quoi, c'est une action de lobbying, ça. Et une initiative qui irrite profondément la Russie, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, parce que là, on essaie franchement de s'introduire dans son précaré. Et sa traditionnelle zone d'influence, oui. En outre, il y a aussi certainement à Moscou la peur de l'encerclement. Il suffirait que l'Ukraine choisisse à son tour d'adhérer à l'OTAN pour que l'ensemble des frontières occidentales de la Russie soit gardé par des pays de l'Alliance Atlantique. Oui, mais l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est loin d'être acquise. Et Moscou fait son possible pour l'en empêcher. Et la récente crise du gaz entre les deux pays n'est sans doute pas tout à fait étrangère à cette question. En même temps, pardon de m'éloigner de l'Estonie, il faut remarquer qu'en Asie centrale, en ce moment même, les Russes essaient de regagner le terrain conquis par les Américains. À cause aussi des richesses en pétrole et en gaz de ces ex-républiques soviétiques. Bien évidemment, c'est le grand jeu qui continue. Autrefois, il opposait la Grande-Bretagne à l'Empire russe, et aujourd'hui, dans cette région, c'est Washington contre Moscou. Mais si vous voulez bien, revenons à l'Estonie. Il est clair, malgré cette évolution en douceur, que tôt ou tard, la présence d'une forte minorité russe engendrera des difficultés. Et surtout si ces russophones sont tenus à l'écart. Et même privés de citoyenneté estonienne. Il en est forcément une rancœur qui, avec les années, ne fera qu'augmenter. Et qui, bien sûr, a été plus ou moins subtilement encouragée et utilisée par les Russes, qui n'ont jamais vraiment accepté que les pays baltes recouvrent leur liberté. Rendez-vous avec X. Comme Monsieur X, je m'éloigne un instant de l'Estonie. Il est exact que la compétition entre la Russie et les États-Unis a franchi récemment un degré supplémentaire en Asie centrale. Ainsi, on a appris au début du mois de février que le président du Kirghizistan avait décidé de fermer la base états-unienne de Manas, une infrastructure pourtant essentielle dans le combat que mènent les forces de l'OTAN en Afghanistan. Mais afin d'obtenir cette fermeture et donc d'essayer de soustraire l'Asie centrale à l'influence américaine, Moscou a consenti un prêt de 2 milliards de dollars au Kirghizistan. Et on pouvait lire ceci dans l'édition du Monde du 5 février. Avide de retrouver son rôle de puissance régionale, la Russie veut donner une nouvelle impulsion à sa coopération militaire avec 6 autres États ex-soviétiques. Réunis à Moscou mercredi 4 février, les chefs d'État de Russie, d'Arménie, de Biélorussie et de quatre républiques d'Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, se sont entendus pour former une force d'action rapide sous le commandement unifié de Moscou. Cette force, 10 000 hommes aux trois quarts des parachutistes russes, sera déployée entre autres sur la base kirghize de Manas dès que les Américains l'auront libérée. En créant cette brigade d'intervention, Moscou entend renforcer l'organisation du traité de sécurité collective, l'alliance militaire de la CEI, l'URSS moins les républiques baltes et la Géorgie, où la Russie joue les premiers violons. Alors certes, les troupes de l'ex-armée rouge vont peu à peu quitter le territoire estonien. En prenant leur temps, quand même. C'est à peu près ce que je voulais dire. Enfin, les derniers contingents partent en 1994. Quand même 3 ans après l'indépendance. Et en même temps, à Tallinn, on ne cesse de proclamer que seule l'adhésion à l'OTAN garantira la sécurité du pays. Tandis que l'intégration à l'Union européenne assurera la prospérité d'un pays qui s'engage dans un libéralisme échevelé. Et effectivement, l'Estonie va connaître des taux de croissance faramineux. En tout cas, le cordon ombilical avec Moscou est bien tranché. Hein. Apparemment, oui. Apparemment, pourquoi cette réserve-là? Bon, parce que les Russes ne se désintéressent pas de l'Estonie, bien au contraire. Il y a d'abord la dépendance énergétique. Hein. Le gaz, le pétrole. Bien entendu, mais les oligarques russes, tous ces nouveaux riches qui font fortune grâce aux privatisations et à la corruption, ont aussi compris que dans un pays qui s'est affranchi de toutes les règles bureaucratiques, bah, y a la possibilité de faire d'excellentes affaires. Oui, ils ne s'en sont pas privés. Bien évidemment. Et ça, c'est une occupation beaucoup plus sournoise. Oui, d'autant que parmi ces brillants affairistes, on trouve nombre d'anciens kagibistes. Alors, venons-en à la question de la présence en Estonie de cette grosse minorité de russophones. 30% à l'heure de l'indépendance, avez-vous dit? À peu près, oui. Dans un premier temps, les autorités estoniennes essaie de les pousser dehors. Le gouvernement fait même voter une loi sur le retour afin d'encourager ce mouvement. Ça fonctionne? Pas vraiment, parce que ces Russes qui acceptent de s'en aller reviennent généralement assez vite en Estonie. Ben pourquoi? Bon, parce qu'ils ne sont pas très bien accueillis dans leur mère patrie et qu'ils se rendent compte qu'on vit mieux dans l'Estonie indépendante que dans la Russie de Boris Eltsine. Le problème n'est donc pas réglé. Alors les Estoniens imaginent d'autres mesures plus drastiques. Il est par exemple décidé que les personnes arrivées dans le pays après 1940 se verront accorder un permis de séjour de 3 ans. Mais au terme de ce délai, elles devront passer un véritable examen. C'est-à-dire ? Il leur sera demandé un test de langue, mais aussi de répondre à un certain nombre de questions sur leur pays d'adoption. Or, beaucoup de ces Russes installés en Estonie ne parlent pas la langue nationale. Ils s'y sont même farouchement refusés. Ah, mais ils ne voulaient pas s'intégrer. La plupart de ces russophones vivaient entre eux et n'éprouvaient donc pas le besoin de parler estonien. Mais avec ces décisions, bah, ils vont devoir s'y mettre. Hein. Certains, oui. 140 000 d'entre eux passent avec succès l'examen et se voient attribuer un passeport bleu. Mais d'autres, à peu près aussi nombreux, ratent l'examen ou refusent de le passer. Alors, que leur arrive-t-il? Eh bien, on leur remet un passeport gris. Et ce document fait d'eux des citoyens qui n'ont pas le droit de voter et ne sont pas autorisés à exercer certaines professions. Des sous-citoyens, ça. Et cet ostracisme est assez choquant. À Moscou, bien sûr, on ne cesse de critiquer en des termes très vifs cette politique discriminatoire. Mais l'Union européenne exigera aussi qu'il y soit mis fin lorsque l'Estonie présentera son dossier de candidature. Toutefois, malgré ces pressions, le problème persistera et on en aura une illustration particulièrement démonstrative lors de la fameuse affaire de la statue. Ah, une affaire relativement récente. En effet, oui, puisque tout a commencé en 2006. Alors, je vous explique. La statue en question, érigée sur une place de Tallinn en 1947, représente un soldat de l'armée rouge. Et j'imagine qu'elle symbolise la victoire soviétique sur les troupes nazies. Et donc la fin de l'occupation allemande. Pour certains, elle personnifie la libération du pays. Ouais, mais pour les autres, elle représente la mainmise de Moscou sur l'Estonie. Exactement. Cette statue est donc par nature assez conflictuelle. Cependant, la municipalité de Tallinn, dirigée par des centristes, a décidé de ne pas y toucher. Et longtemps après l'indépendance, les anciens combattants de l'armée rouge ont pu y commémorer en toute tranquillité, année après année, l'anniversaire de la victoire. Mais ces célébrations étaient de plus en plus critiquées. Par qui? Par les nationalistes estoniens? Et surtout par ceux d'entre eux qui ont combattu dans l'autre camp. Le camp nazi. Je vous rappelle que 70 000 Estoniens ont été incorporés dans la Wehrmacht, ou même dans des divisions SS. Et un premier incident éclate en 2002. Cette année-là, des vétérans de l'armée allemande érigent dans une petite ville du sud un monument à la gloire de leurs camarades de combat. Monument qui représente un soldat estonien en uniforme de Waffen-SS. C'est le scandale. C'est évident. La statue est rapidement démontée, mais 2 ans plus tard, rebelote. Cette fois, on dévoile un bas-relief en hommage aux combattants de la liberté, illustré par un soldat en uniforme nazi. Nouveau scandale. Et ne pensez pas que ces histoires de statues soient seulement anecdotiques. Elles sont en fait l'expression d'un passé douloureux que les Estoniens n'arrivent pas à effacer. Autre fait significatif. Entre l'érection de ces 2 monuments contestables, le président estonien, imité d'ailleurs par son homologue lituanien, a refusé de se rendre à Moscou pour la célébration du 60e anniversaire de la victoire alliée de 1945. Mieux ou pire, on a même inauguré à Tallinn un autre monument à la gloire des résistants estoniens qui ont combattu l'occupation soviétique. Ouais. Alors le sujet est donc brûlant. Il ne pouvait que déboucher sur des incidents sérieux. Et c'est donc ce qui se produit, hein? Je m'en souviens, ouais. En 2006. Oui, mais alors que le 9 mai, comme tous les ans, des anciens de l'armée rouge et des élèves des écoles russophones défilent, drapeau au vent devant la statue du soldat soviétique, des nationalistes estoniens les attaquent. Les heurts sont violents et la police doit séparer les manifestants tandis que le Parlement estonien se saisit de la question. Ah ouais. Et que décident les députés, là? En janvier 2007, ils votent en faveur du transfert du monument dans un cimetière militaire qui se trouve à la périphérie de Tallinn. Mais pourquoi là? Parce que sous le socle de la statue, 12 de soldats de l'armée rouge ont été inhumés. Ouais. Et ces dépouilles vont être également transférées dans ce cimetière. Ça me paraît logique, non? Ouais. Bah, il fallait s'y attendre. Moscou proteste vigoureusement contre ce que le Kremlin considère comme une atteinte à la mémoire et même une justification a posteriori de l'idéologie nazie. Moscou qui brandit déjà la menace de sanctions économiques. Ouais, mais ces menaces restent verbales. Ah, pas seulement. La Russie entreprend de financer un nouveau mouvement de jeunes russophones, la garde de nuit, qui organise des rondes autour de la fameuse statue. Oui, afin d'empêcher son déménagement, enfin, c'est ce que je pense. Mmh. Et comment réagissent alors les autorités estoniennes? Pour dire la vérité, elles se seraient bien passées de cette affaire, d'autant qu'en ce début de 2007, l'Estonie est en pleine campagne électorale. Campagne présidentielle puis législative. Le nouveau président, Thomas Ilve, a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis. Cependant, il n'a pas envie de fâcher Moscou et se déclare même opposé au transfert de la statue. Oui, il essaie de calmer les choses, quoi. Mais au cours de la campagne pour les élections législatives, cette affaire de la statue devient un argument électoral. Bref, il est presque inévitable que la question dégénère. Et c'est le cas à la fin avril 2007, où Tallinn connaît 2 vraies nuits d'émeutes opposant les jeunes russophones aux nationalistes. Il y aura 10 de blessés et même 1 mort. Alors, et c'est paradoxal que la fin de l'ère communiste n'avait entraîné aucune violence. Tandis qu'à Moscou, nouvelle preuve que le Kremlin n'a cessé de souffler sur les braises. Une organisation de jeunes pro-Poutine attaque l'ambassade d'Estonie, 1 semaine durant. Moscou envisage même une rupture des relations diplomatiques avec Tallinn. Mais c'est sur un autre terrain que la Russie va placer sa contre-offensive. Ah, lequel? L'informatique. Il vous faut en effet savoir que l'Estonie est alors à la pointe de la recherche informatique et de son utilisation dans presque tous les domaines de la vie courante. Ah oui, alors s'en prendre à ces systèmes informatiques, c'est donc l'unir gravement. Oui, d'autant que cette cyberattaque est massive. Les sites internet des administrations, des ministères sont paralysés les uns après les autres. L'attaque est donc efficace. Hein. Redoutablement efficace. Et ça, c'est une première, non? Non, non. On avait déjà noté une attaque semblable après le bombardement de l'ambassade chinoise en 1999 à Belgrade. Mais je crois qu'on en parlera de ça. Ah, ouais, volontiers, oui. Donc, en l'occurrence, c'était un État qui se trouvait derrière, non? Peut-être même 2, la Chine et la Serbie. Mais enfin, revenons à l'Estonie, si oui, vous oui. voulez bien. Donc, en 2007, c'est la Russie ça qui mène cette évident, attaque. Ça me semble évident, oui. Même si dans ce genre d'affaires, les pirates se gardent bien de signer leurs méfaits. Quoi qu'il en soit, à l'Ouest, de nombreux dirigeants ont eu des sueurs froides, parce qu'ils se sont aperçus à l'occasion qu'une cyberattaque pouvait causer des dégâts aussi importants qu'une offensive militaire conventionnelle. Et c'est pourquoi, à l'OTAN en particulier, on n'a pas tardé à prendre des mesures de défense. Mais je m'aperçois que j'ai été si long que je n'ai même pas commencé à vous parler sérieusement de l'histoire de l'espion estonien, Herman Simm. Ah, oui. J'ai compris, rendez-vous la semaine prochaine. Et vous vous apercevrez que si les sites internet attaqués au cours de cette cyberguerre ont été si vulnérables, la trahison de cet espion a certainement joué un grand rôle. Mais il me faudra évoquer une autre guerre, celle du gaz. Une confrontation féroce qui explique pas mal des conflits actuels en Europe et ailleurs. Après cette massive cyberattaque, l'OTAN a réagi, a dit M. X. En effet, voici ce que je lis dans une livraison de l'Express de mai 2008. À Tallinn, la capitale de l'Estonie, c'est un blockhaus que l'on réhabilite. Une ancienne caserne construite à l'époque de la Russie tsariste a été transformée en centre de formation à la cyberdéfense. L'OTAN a pris possession de ce bâtiment imposant, bordé de roseraies blanches et rouges, taillées au millimètre, aux allures de pensionnat. Sur cette terre qui, tour à tour, a dû affronter le siège des troupes danoises, allemandes, suédoises et soviétiques, on se prépare, dès le 1er janvier 2009, à répondre aux attaques de toutes sortes, de manière défensive, enfin, pour l'instant. Quelques livres, enfin, « Le KGB et les Pays-Baltes » de David Wolf et Gaël Moulek, deux ouvrages de Rumiana Ugarczyska, « Le KGB à l'assaut de l'Europe » et puis « La guerre du gaz ».« Les États baltes, une longue dissidence » de Suzanne Niess et enfin, qui vient de paraître au seuil, « Les prédateurs du Kremlin » 1917-2009 d'Hélène Blanc et Renata Lesnik. Et bien sûr, vous retrouverez les références de ces livres sur notre site franceinter.com. À samedi prochain pour la suite de ce récit sur l'Estonie et l'espionnage. Et merci à Valérie Ayestara et Rebecca de Nantes, Monsieur Djou. Et tout de suite après le flash, on va dans la nature avec C'est au de mon amour de Denis Chessou.